écrase le front derrière la glace de telle façon que la pluie qui vient s'y coller donne l'impression de me mouiller. Ça fait un bail que j'ai pas pleuré. Vers la vie. Sur la baie mon bois fait des ronds, des cœurs tous ces trucs un peu cons qui viennent quand on s'oublie. Quand tu m'oublies, tu m'oublies. Si le temps, si le temps me laisse le temps d'avoir le temps encore autant. Si le temps. Mon bois fait les ronds, des cœurs tous ces trucs un peu cons.